Sois béni, Jésus à moi, auquel la vengeance de la divine gloire, héritier du salut, acquis de Dieu, aimé de son esprit, lavé par son sang. C'est mon histoire, c'est ma chanson. Loue à mon sauveur le long du jour. C'est mon histoire, c'est ma chanson. Parfaite commission, tout repos, vision de sa venue éclate à ma vue. L'ange descendant du ciel apporta et pour de grâce, parole de vie. C'est mon histoire. Nous amons sauver le long du jour. C'est mon histoire, c'est ma chanson. Nous amons sauver le long du jour. C'est mon histoire, c'est ma chanson. C'est mon histoire, c'est ma chanson.